Le comité préparatoire du côté nord pour la conférence conjointe des partis politiques, organisations et personnalités du nord, du sud et de la diaspora en faveur de la paix et de la réunification indépendante de la péninsule coréenne a publié le 2 août un communiqué qui dit « Dans l'ambiance où tous les Coréens s'intéressent au fil de jour pour le rendez-vous national de la réunification, la réunion consultative du comité préparatoire du côté nord s'est déroulée le 2 août à Pyongyang en présence de ses membres et des personnalités intéressées. La réunion consultative s'est renseignée sur tous les préparatifs menés jusqu'à présent pour la conférence et a discuté de tous les problèmes posés pour sa réussite. D'abord, on a informé des succès remarquables obtenus dans les préparatifs. Alors que notre projet de conférence jouit du soutien et de l'approbation de tous les compatriotes, sont constitués les comités préparatoires à l'étranger, notamment en Chine, au Japon, dans la communauté des États indépendants, en Europe, au Canada, aux États-Unis et en Océanie, et le 27 juillet est organisé le comité préparatoire unifié de la diaspora. En Corée du Sud, des personnalités et des formations des ouvriers, paysans, jeunes étudiants, femmes et autres soutiennent le projet et s'efforcent pour la réussite de l'ouverture. On a fait remarquer ensuite qu'un obstacle sérieux est dressé devant les préparatifs de l'ouverture à cause des machinations d'obstruction des autorités sud-coréennes qui ne désirent pas la réussite de la conférence et que surtout, le comité préparatoire du côté sud n'est pas encore organisé, ce qui retarde la constitution du comité préparatoire pan-national. Les participants ont dit que notre projet est parti de la volonté patriotique de mettre un terme au rapport d'antagonisme, de méfiance et d'hostilité qui dure depuis des dizaines d'années entre le nord et le sud, et d'ouvrir une histoire nouvelle de la réunification indépendante par la pratique audacieuse, la main dans la main, en tant que partenaire de la réunification, que personne n'a la raison de ne pas l'accepter. Ils ont souligné à l'unanimité que les autorités sud-coréennes qui refusent notre projet juste et empêchent les préparatifs des partis politiques, formations et personnalités de Corée du Sud pour la conférence sont d'un bout à l'autre des sécessionnistes traîtres. On a dit que l'ouverture de la conférence à l'occasion du 15 août de cette année est devenue impossible à cause des sécessionnistes de l'intérieur et de l'extérieur du pays, et que pourtant, il faut à tout prix réussir au rendez-vous pan-national pour la réunification qui réunit tous les partis politiques, formations et personnalités du Nord, du Sud et de la diaspora. On a décidé d'ouvrir en urgence, pour l'immédiat, la réunion de travail du Nord, du Sud et de la diaspora pour la conférence, du fait que son ouverture le 15 août est devenue difficile de discuter et de définir des activités postérieures à mener. Le comité préparatoire du côté nord a exprimé son intention ferme de déployer des efforts plus énergiques et patients en étroite collaboration avec les différents milieux et couches de Corée du Sud et de la diaspora pour réussir à tout prix à la conférence qui aura une grande importance pour la paix dans la péninsule coréenne et la réunification indépendante du pays.